France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Violette, quel joli prénom. Un prénom qui représente la légèreté, la beauté, finesse et délicatesse. Sauf que, hier, Nejma Bouakra et Delphine Lemaire nous ont raconté l'histoire de Violette Nozière, cette jeune fille qui, au mois d'août 1933, fut accusée de parricide, elle qui tenta d'empoisonner son père et sa mère. Parricide. Le parricide est l'un des crimes les plus graves. Il se situe au sommet de la hiérarchie criminelle, le crime des crimes. Pourquoi ? Parce qu'il touche au père, et le père, c'est la société civile. Mais elle, Violette, du haut de ses 18 ans, elle qui court les balles, qui aime la fantaisie, la liberté d'aller et venir, qu'a-t-elle à nous répondre ? Qu'a-t-elle à nous dire ? Tout de suite, écoutons-la, ou du moins tentons de la comprendre, au-delà des nombreuses preuves qui accablent la jeune fille. Violette, physiquement, un visage... c'est difficile à dire, belle, pas belle, on se rend pas compte. C'est la fille au poison. La fleur du mal, parce qu'elle a commis un crime terrible, un parricide, donc vénéneuse aussi, parce que c'est une empoisonneuse. Auréolée quand même d'une sorte de mystère un peu vénéneux. Elle est dans l'espace public, donc elle arpente le boulevard Saint-Michel, elle fait des passes, elle cherche. Donc là, c'est déjà l'illustration, la quintessence d'une féminité monstrueuse. Violette, ce que tu fuyais, tu ne pouvais le perdre que dans les bras du hasard, qui rend si flottantes les fins d'après-midi de Paris autour des femmes aux yeux de cristal fou, livrées au grand désir anonyme auquel fait merveilleusement, uniquement, silencieusement écho pour nous le nom que ton père t'a donné et ravi. Second épisode, le nom de Violette Nozière. Nejma Bouakra, Delphine Lemaire. Vous voyez ce prénom de Violette ? C'est un prénom qui a beaucoup inspiré. Dépêche-toi, dépêche-toi, ma petite Violette. Papa, mon petit papa, tu me fais mal, disait-elle. Mais le papa, qui sentait le feu de sa locomotive, un peu en dessous de son nombril, violet, dans la tonnelle du jardin, au milieu des manches de pelle qui l'inspiraient, Violette. Ah ! Un recueil de poésie, signé par les surréalistes. Ce recueil s'appelle Violette Nozière, et il rassemble 8 poèmes et 8 dessins. Sur la page de couverture, on voit donc une photographie de Man Ray, et c'est un N brisé. Oui. Est-ce que c'est le N du nom ? Oui, c'est le N de Nozière. Hein. Ce montage photographique est vraiment éloquent. Parce que vous avez un bouquet de violettes fraîches sur lequel est posé le N initial du père qui est brisé. Et pourquoi cette affaire a fait beaucoup parler, hein, c'est parce que, voilà, on a touché au père. Hein, c'est la figure du père brisé. Ce petit opuscule qui est un cri en quelque sorte. Alors, comme les surréalistes en ont l'habitude, Breton et ses amis vont produire une sorte d'œuvre collective où la poésie, la dénonciation, le dessin se mêlent pour défendre effectivement cette jeune femme qui va se transformer en une sorte d'héroïne. Malgré elle, ils ne la connaissent pas. D'une certaine manière, ce sont ses actes et ce qu'on en dit qui les émeuvent. Il y a cette formule qui est magnifique de Breton sur... l'affreux nœud des liens du sang, le prénom de Violette et tout ça, et qui est constitué effectivement comme une sorte de cri, comme une sorte de révolte brutale contre l'ordre insupportable des notables et des pères de famille. D'autant qu'elle se double là de la révolte féminine, de la révolte sexuelle, de la révolte des jeunes. Il y a quelque chose effectivement qui incarne le cri surréaliste au plus profond, au plus pur de lui-même. Ce qui frappe l'historien aujourd'hui, c'est le tabou sur cette question de l'inceste. C'est tabou, c'est-à-dire que, à la fois, c'est interdit comme acte, mais c'est aussi un mot qu'on ne peut pas prononcer, hein, précisément parce que c'est interdit comme acte. Donc, le terme d'inceste dans la presse, on le trouve assez rarement. Et on trouve autre chose pour parler d'inceste. On trouve des périphrases. On va parler de la monstrueuse accusation. C'est intéressant comme formule, la monstrueuse accusation, parce que ça veut dire que ce qui est monstrueux, finalement, c'est pas tellement l'inceste, hein, mais c'est le fait d'en parler. Et cet aveu va encore noircir le portrait de la criminelle, en accentuant le cynisme. C'est-à-dire que, voilà, cette jeune fille qui n'hésite pas à salir la mémoire de son père pour excuser son geste. Donc c'est un concert d'indignation qui accueille les propos de Violette Nozière. Mais si l'affaire Violette Nozière est si intéressante pour l'historien, c'est parce qu'il n'y a pas seulement le tabou, il y a aussi le fait que il y a eu débat sur l'inceste. Pourquoi il y a eu débat ? Parce que l'enquête du juge, au fur et à mesure, a révélé des faits troublants. C'est-à-dire que Violette Nozière aurait parlé de ses relations avec son père à certains camarades. On a trouvé des gravures un peu pornographiques dans la chambre du père. Et Violette Nozière savait où elle se trouvait. Son père les lui aurait montrées. On a trouvé aussi un chiffon taché de sperme que son père utilisait, dit-elle, pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Donc, ça faisait pas des preuves, tout ça, mais ça faisait quand même des éléments qui jetaient un certain doute sur la moralité de Baptiste Nozière. Et donc, finalement, la presse qui, au départ, était totalement indignée, avec un consensus, s'est divisée. Et à la mi-septembre, l'opinion se divise au point que certains journalistes disent « Ben voilà, l'affaire Nozière est devenue l'affaire, avec un grand A, hein, donc en référence à l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire à un moment où la France se divise, avec ceux qui défendent le mobile de Violette Nozière et ceux qui défendent la thèse du crime crapuleux. » Demandez le petit parisien, demandez le petit parisien, allez-y. Violette Nozière, un monstre en jupon, sur l'affaire de l'empoisonneuse, allez. Tenez, monsieur. Violette Nozière, au tribunal. On se presse, on s'amasse, il y a foule. Oui, il y a foule, c'est-à-dire que le procès était connu depuis un certain nombre de temps. Donc on se presse, on se bouscule, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre à succès. On sait que les places sont comptées et qu'à ce moment-là, donc, il faut jouer des coudes pour pouvoir pénétrer d'abord au sein du palais de justice et puis après gravir l'escalier et enfin pouvoir pénétrer dans la salle d'audience. Ce sont des femmes qui viennent à ces procès, des hommes ? Alors, majoritairement, pour l'affaire Violette Nozière, ce sont des femmes. Et les chroniqueurs judiciaires avaient inventé une expression pour pouvoir les qualifier, c'est ce qu'on appelait donc les hirondelles. Et celles-ci étaient considérées comme un public un petit peu cruel, puisque ces hirondelles avaient la réputation de s'affubler comme ça, soit d'une longue vue, soit de jumelles, pour mieux voir à ce moment-là les traits du visage de celui ou de celle qui était condamné au moment du verdict. Alors pourquoi les femmes sont si présentes ? Bon, d'abord parce que ça reste une affaire mystérieuse. Il y a une sorte de suspense. Que va-t-il se passer ? Les relations donc mère-fille pendant le procès. Il y a une autre figure féminine qui intéresse aussi le public. C'est la mère de Violette Nozière. Et donc il faut imaginer la salle d'audience où on a fait entrer un peu plus de personnes que la salle ne pouvait donc en contenir. Et d'emblée, avant même l'ouverture du procès, eh bien, le public est un acteur à part entière du déroulement des débats. Un face-à-face tragique, mère et fille. Oui, alors ça fait partie des grands moments de ce que le procès, la chronique judiciaire, la mise en scène du procès, qui est une grande tradition, on va dire, à la fois rhétorique, culturelle, spectaculaire en France, mais peu proposée. Alors là, c'est quand même magnifique. La fille criminelle et la mère victime qui vont se retrouver face à face. Aucun romancier, aucun dramaturge n'aurait pu imaginer une scène aussi poignante, hein, pour reprendre les termes des chroniqueurs, et le sentiment du public. Oui, effectivement, cette mère tout en deuil, toute vêtue de noir, hein, qui arrive effectivement comme on les voit sur les gravures et sur les photographies depuis un demi-siècle à l'époque, et qui va accuser la fille dans le box. C'est inédit et c'est d'une intensité émotionnelle presque jamais vue. La mère est davantage la veuve Violette Nozière que la mère de Violette, puisqu'elle est partie civile contre sa fille. Pendant toute l'enquête judiciaire, en tout cas celle menée par le juge d'instruction, la mère de Violette Nozière, évidemment, donc, se range du côté de son époux disparu. Disons que la mère de Violette Nozière est d'abord à charge plutôt au moment de l'enquête, lors de son hospitalisation. Puisque là, elle reprend conscience et elle sait effectivement, c'est ce qu'elle déclare aux policiers, que c'est sa fille qui les a empoisonnés. C'est la mère qui a mis effectivement donc les policiers sur la voie de Violette Nozière. Donc à ce moment-là, elle est plutôt, si je peux dire, dans la posture de l'épouse éplorée et de la veuve inconsolable. Et donc Violette Nozière est rangée à ce moment-là du côté du monstre, du démon, de l'être malfaisant. Supprime-toi, malheureuse. Tu ne peux plus vivre maintenant. Oh, maman, pardon, je t'en supplie, maman. Je te pardonnerai. Après le jugement, quand tu seras morte. Le portrait de Violette Nozière va changer au procès. Le procès est intéressant parce que on attendait, si vous voulez, cette fleur du mal. Et qui on a dans le box des accusés ? Ben, on a une jeune femme... fatiguée, lasse, abîmée par la prison. On a une jeune femme banale. On attendait la terrible empoisonneuse, on attendait la femme fatale, et on a une jeune femme ordinaire. Donc, les journalistes sont déçus. Ils en veulent la Violette Nozière. Hein, oh, elle ressemble à une loque. Voilà, elle ressemble à une loque. Donc voilà, le procès déçoit. Violette Nozière ne tient pas son rôle. Violette Nozière s'évanouit pendant le procès. Oui, Violette Nozière s'évanouit pendant le procès. Alors, à ce moment-là, les réactions, évidemment, sont contrastées, puisque c'est pas la première fois qu'au cours d'un procès criminel, des femmes s'effondrent. Pour certains, donc, elle joue plus ou moins donc la comédie. C'est finalement donc la nouvelle pierre à la stratégie du mensonge qu'elle avait utilisée jusqu'à présent. Et puis pour d'autres, non, c'est parce que c'est un petit peu comme une sorte d'animal un petit peu égaré dans une clairière environnée de chasseurs. Et à ce moment-là, elle n'a pas d'autre solution, comme elle ne peut pas faire face à son geste. Et bien donc à ce moment-là, donc elle perd connaissance. Et sur l'inceste. Sur l'inceste, Violette Nozière ne confirme pas. Elle ne dit rien. Elle n'a jamais retiré, pendant l'instruction de l'affaire, ses affirmations. Mais au procès, quand le président lui demande « Expliquez-nous pourquoi vous avez voulu tuer votre père », elle répond « Je ne peux pas ». Et elle s'évanouit et quand elle parle, on ne l'entend pas. En fait, elle n'a pas de parole. Et ça, les journalistes vont le lui reprocher. Et c'est même, je dirais, c'est pathétique, la lecture des comptes rendus du procès. C'est pathétique parce qu'on voit une jeune femme qui est totalement écrasée par la comparution judiciaire, par ce cérémonial judiciaire, par la gravité de ce moment, et qui n'a pas de parole pour justifier son acte. Violette Nozière ne nomme pas son mobile. Non, Violette Nozière ne nomme pas son mobile, et c'est une question évidemment qui est très difficile à aborder. Si on prend par exemple un des grands chroniqueurs judiciaires de cette époque-là, qui était considéré comme le maître à penser d'une génération, qu'on avait appelé parfois ou surnommé le 13e juré, il s'agit de Jo Landon. Et Jo Landon fait un compte-rendu du procès et il dit à un moment donné, le président va exhiber les pièces à conviction, et il dit nommément dans son compte-rendu « pièces à conviction malsaines » qui seraient la preuve que finalement du sperme du père aurait été conservé sur cet élément-là, ce qui permettrait d'attester donc la réalité d'un inceste. Mais évidemment, ces mots-là ne sont jamais prononcés au moment de l'audience, même quand on exhibe les pièces à conviction. Et à ce moment-là, le mobile du crime n'est jamais véritablement donc mis en mots. Et quand on ne met pas évidemment donc des mots sur des faits, sur des actes ou une situation, Évidemment, c'est très difficile à ce moment-là de convaincre ou de faire comprendre au jury ce qui a pu se passer. Alors, est-ce que le juge a fait son travail ? Ben oui, il a bien fait son travail. Il n'a pas négligé cette question de l'inceste, il a essayé de vérifier le mobile. Seulement, il était dans un autre système de représentation qu'aujourd'hui. Il cherchait des preuves de l'inceste, il cherchait des preuves oculaires, c'est-à-dire qui a vu. Mais dans ces affaires-là, personne ne voit. Hein ? Comment est-ce possible que votre mère ne s'en soit pas rendue compte ? Mais dans ces affaires-là, les mères ne voient pas. Ça dépend. Hein ? Enfin, c'est compliqué, mais c'est quelque chose d'assez bien connu que les mères font comme si elles n'avaient pas vu. Elles savent sans savoir. Hein ? C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension de la situation incestueuse et de l'enfermement dans le secret qui lie l'agresseur et la victime. En fait. On suppose que c'est un crime d'intérêt. On suppose, oui, que c'est un crime d'intérêt, que c'est, ça relève un petit peu du crime crapuleux, puisque évidemment, à ce moment-là, le seul objectif que l'on puisse apercevoir, ou la seule logique du geste, c'est de s'emparer des économies de ses parents, éventuellement donc d'hériter. Ce que pense le juge qui a écarté la thèse de l'inceste en la jugeant invraisemblable, c'est le terme qu'il emploie et qu'on retrouve dans le dossier judiciaire. Ce que pense le juge, c'est que Violette Nozière a tué ses parents pour les voler, pour gagner son indépendance, hein, vivre sa vie, pour être plus libre. Ses parents la surveillaient. Et puis aussi par vanité sociale. C'est-à-dire que elle voulait paraître mieux qu'elle n'était, et évidemment ses parents lui rappelaient la modestie de ses origines. Donc vous voyez un mobile flou, hein, centré autour de la vanité, le désir d'indépendance et la cupidité. Oh, je sais ce qu'il te faut, il te faut de l'argent. Mais t'en auras tant que tu veux. Oui, combien ? 200, 300, 500 francs ? Non, beaucoup plus. Puis après, on partira ensemble. Oui, au Sable d'Olonne, en Bugatti. Oui, parfaitement. Des clous. L'argent, pour être Nozière. L'argent, c'est ce qui lui manque, hein, et elle le veut pour la vie à laquelle elle aspire, pour pouvoir être libre dans le, dans l'univers des cafés, des restaurants, des théâtres, des boulevards et des terrasses de Montparnasse. Et effectivement, il y a une dimension crapuleuse, même si elle le nie par la suite, il y a nécessairement une dimension crapuleuse dans son crime, ce que d'ailleurs les journalistes et le magistrat, et au bout du compte les jurés, vont bien sûr effectivement lui reprocher. Je crois pas que je suis capable de trouver 10 000 francs en 3 jours, hein ? C'est ça ? 10 000 francs ? Tu me crois pas ? Si, je te crois capable de tout. Le rôle de l'amoureux, Jean. Qui est cet amoureux ? Jean, c'est un jeune homme, étudiant en droit, un beau garçon, dont Violette Nozière était amoureuse. C'est un élément qui a été totalement occulté à l'époque. C'était son grand amour. Et il est probable que le fait qu'elle ait été amoureuse de Jean a précipité son crime. En tout cas, elle explique au juge que quand son père a su qu'elle était amoureuse de Jean, il a voulu continuer ses relations avec sa fille. Or, Violette Nozière, en étant amoureuse de ce jeune homme, l'inceste lui est devenu encore plus insupportable. Si on admet la thèse de l'inceste, ce qui est mon cas. Que dit Jean au procès ? Jean, il ne dit pas grand-chose, sa déposition n'est pas très intéressante. Il va expliquer que s'il acceptait de l'argent de Violette Nozière, c'est parce qu'elle lui faisait croire qu'elle était riche. parce que Violette Nozière mentait. Elle mentait à ses amis en leur faisant croire que son père n'était pas mécanicien mais était ingénieur et que sa mère était couturière dans une prestigieuse maison de couture. Donc elle se voulait se faire passer pour mieux qu'elle n'était. Elle se fait nommer Christiane Darfeuil. Christiane Darfeuil, voilà, un nom très chic. Alors, Jean est un personnage qui a été très maltraité dans la presse, hein, traité de souteneur, de parasite, et que moralement, au moins, les journalistes estimaient qu'il avait eu une responsabilité dans le crime. Enfin, elle avait de drôles de fréquentations, il y avait quand même une petite mafia autour de Violette Nozière. Oh, une petite mafia, oh, vous parlez comme les journalistes là. On a fantasmé la présence du milieu. Hein, la pègre. Voilà, elle fréquentait la pègre. Alors ça, c'est l'imaginaire hein, qui se saisit d'un crime et qui brode autour. Mais ils existent, ces hommes. Il y a Atlan, qui est un camelot, qui a eu des problèmes déjà avec la police. Il y a un commerçant tunisien, un croupier, des hommes célibataires, ou qui sont en voyage, ou qui vivent en garni. Donc des gens au profil plus inquiétant. Tous les témoins sont convoqués et comparaissent, sauf un monsieur Émile qui était donc le protecteur de Violette Nozière, c'est comme ça qu'elle le présentait, et c'est éventuellement lui qui aurait pu acheter l'automobile dont rêvait Violette Nozière. Et donc on n'a pas à ce moment-là d'informations pendant le procès sur monsieur Émile. Est-ce que c'était donc un vieux monsieur voilà qui était déjà donc installé, dont on ne pouvait pas dévoiler l'identité en le convoquant publiquement au moment du procès? Et donc, c'est ce qui semble. Hein, c'est un bourgeois, entrepreneur. Voilà. Mais donc, comme il n'est pas convoqué au moment du procès, pour le jury, qui doivent décider évidemment par rapport aux éléments qu'on leur donne, tout est possible. C'est monsieur Émile qui veillait sur moi. Un autre de vos amants? Sûrement pas. C'était une relation platonique. Il existe ou pas, monsieur Émile? On n'en sait rien. Les recherches pour le retrouver ont été relativement modestes. Hein. Le juge d'instruction fait son travail, ouais, hein, mais enfin, il n'a pas convoqué beaucoup d'efforts, parce que, sans doute, pense-t-on que c'est une invention de plus, parce que, d'une certaine manière, si monsieur Émile est une justification pour Violette de dire qu'elle n'avait pas besoin d'argent, parce qu'effectivement, il pouvait pourvenir à ses besoins. Et d'un autre côté, il vient compenser, il vient justifier, il vient se substituer à la figure du père défaillant, du père incestueux. Or, on ne croit pas tellement non plus beaucoup, enfin en tout cas pour la majeure partie de ceux qui ont laissé des traces, on ne croit pas beaucoup à la réalité de l'inceste. Donc ce monsieur Émile, il apparaît un petit peu comme une sorte de leurre qu'on pense totalement imaginaire et comme un justificatif à la stratégie de défense de Violette. Extraordinaire, c'est une nouvelle affaire Dreyfus. La moitié de la France est de votre côté. Demande en mariage. Cet homme qui veut se suicider pour vous, hein? Et ce groupe de poètes qui vous encense. Tout ce que je veux, c'est que ma mère me pardonne. Elle aura tellement fait la comédie que sa mère a fini par céder. Voilà la mère. S'il vous plaît, monsieur. Madame, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais m'occuper de ma fille, monsieur. Il s'est attendu. Roulement de tambour pendant ce procès. Oui, il y a un retournement très progressif de la posture et du discours de la mère, qui va effectivement renoncer par la suite à se porter partie civile, mais qui, d'une certaine manière, reste en accord avec les attentes du public, parce que c'est tout d'un coup cette mère, effectivement, qui va être ressaisie parce que les stéréotypes de l'époque pensent comme étant le sentiment maternel absolu. Malgré tout, cette femme reste une mère. Y compris dans sa douleur extrême, y compris dans le reniement effroyable qu'elle a eu un moment pour sa fille assassine, ben elle va retrouver quelque chose de ce qui fait elle effectivement la mère absolue, la mère parfaite, la mère souffrante sans doute, mais la mère qui ne peut pas au bout du compte rejeter jusqu'au bout. Elle ne peut pas l'envoyer à la guillotine, l'envoyer sur l'échafaud. Hein, là, c'est trop. Et ce retournement majeur hein, de la figure de la mère est quelque chose qui va se poursuivre dans l'histoire que les deux femmes vont avoir entre elles. La mère de Violette Nozière s'adresse même, elle implore les membres du jury en disant « Je lui pardonne, pardonnez-lui aussi ». Vous avez eu raison de vous habiller ainsi, vous savez. La sobriété de Miss impressionne toujours les jurés. Elle tue, cette perverse. Quant au jury, alors il ne faut pas oublier, à cette époque-là, il n'y a que des hommes. Il y a 12 hommes, et eux-mêmes, donc époux ou pères de famille, on peut supposer très fortement qu'ils récusent d'emblée la thèse de Violette Nozière. Pour eux, en étant père, il n'y a pas eu d'inceste. Et donc ce que peut raconter Violette Nozière, ce qu'elle peut suggérer, ne peut pas être crédible. Le verdict, quel est le verdict ? Le verdict, il est terrible. Violette Nozière est condamnée à mort et on lui a refusé les circonstances atténuantes. Il y a une tradition d'indulgence judiciaire à l'égard des femmes, mais pas toutes. Celles qui ont un mauvais comportement sexuel, en général, celles qui sont dévergondées, qui ont mauvaise réputation, elles échappent à la clémence de la justice. Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Je vous maudis tous autant que vous êtes. Est-ce qu'une femme est en mesure d'évoquer la défense légitime face à l'inceste et si tant est que sa réponse est le meurtre de son agresseur? C'est aussi une façon de faire disparaître, de tuer ce crime, enfin d'effacer ce crime, de réparer ce crime. Ce que je veux dire, c'est que là, l'idée de l'assassinat de l'agresseur, c'est une forme de réparation. Pour soi-même et par soi-même. Donc c'est une défense légitime. C'est une forme d'auto-justice. En tant que jeune femme de 18 ans, d'être en mesure de se dire « Je peux me faire justice moi-même », ça, c'est quelque chose d'inédit. Violette Nozière, elle a une parole. C'est une femme qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire, va tenir une parole sur l'inceste. C'est une femme qui n'a pas porté plainte en justice contre son père. Et finalement, tuer son père a été plus simple, entre guillemets, que de porter plainte en justice. Violette Nozière a tant imprégné les esprits que du monstre, on aimerait bien peut-être qu'elle devienne sainte. Il va y avoir quelque chose comme une rédemption, effectivement, de la criminelle, l'empoisonneuse Violette Nozière. Il y a cette affaire durant le régime de Vichy où le maréchal Pétain, effectivement, va réduire sa peine, parce qu'après tout, l'homme qui a inventé la fête des mères aimerait bien, effectivement, pouvoir réconcilier la mère et la fille criminelle. Et puis, par la suite, effectivement, Violette va incarner cette reprise en main par la norme sexuelle, morale, maternelle, sociale dans la suite de sa vie. Violette sortira par la suite de prison, elle fondera une famille, elle vivra avec sa vieille maman qui lui aura tout pardonné et qui partagera le quotidien avec elle. Elle se fondra en quelque sorte dans cette normativité des rôles que son crime avait voulu briser. À sa libération, elle a repris son second prénom, qui était Germaine, donc le prénom de sa mère, et elle s'appelle Germaine Coquelet, puisqu'elle s'est mariée. Violette Nozière, empoisonneuse et parricide. Un documentaire de Nejma Boikra et Delphine Lemaire. Avec Anne-Emmanuelle de Martini, auteur de Violette Nozière, La fleur du mal, Frédéric Chauveau, Elsa Dordain, Dominique Khalifa. Avec les voix de Thierry Pietra et Aiden Savarimoutou. À la prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Valérie Lavalard. Coordination, Christine Bernard. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. J'espère que vous aimez la trompette, mais c'est une autre histoire.